싫어 싫어. À faire là-dessus, là. Ouais, il y a plein de trucs à faire sur un truc comme ça. Là. Moi, je voudrais juste. Thank you. que des thunes. Oh,